C'est l'année nous promet dans son écrin, dans un élan sublime de nos mains, un an vers rien se lever l'aura d'un nouveau jour plus beau encore. C'est l'année nous promet dans son écrin, les jours ressembleraient au tien, enlacés dans le fil du temps. C'est l'année nous promet dans son écrin, dans un élan sublime de nos mains, un an vers rien se lever l'aura d'un nouveau jour plus beau encore. C'est l'année nous promet dans son écrin, les jours ressembleraient au tien, enlacés dans le fil du temps, à moi comme des enfants. Dans tes yeux, mes regards désormais sont heureux, plongés dans l'infini de tes cieux, et pris de cet accord. Si l'année nous promet dans son écrin, dans un élan sublime de nos mains, amant, verrons se lever l'aura d'un nouveau jour plus beau encore. Réciproquement, cet amour me hante. Tous les jours de ma vie, sans lui tout est vide. À chaque instant de ma vie, je me souviens d'un visage, d'une lumière qui filtre la terre. Et réciproquement,